Hier, pour la première fois, l'église mormone a volé à son secours. But when I see Mitt Romney, deux familles très émues qui ont parlé de sa compassion, de sa capacité à aider les autres, la salle a beaucoup ému. Espace.